La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans cette case du week-end. Au programme aujourd'hui, interconnexion de place boursière avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus, sortie cinéma et bien sûr dans la deuxième demi-heure des actus du numérique. Nous serons également tout à l'heure avec Xavier après l'éphéméride pour parler médias. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 10h53. La case du week-end, c'est également de l'info, vous le savez, de la météo. Rendez-vous toutes les 30 minutes, prochain point donc à 10h30. Du côté des musiques, on va écouter tout à l'heure Gromy. Et oui, Gromy sera là avec Broken. Il y aura aussi Master KG avec Jérusalem. Et vous l'attendez tous, le classique musical de l'émission. Et on en écoute un chaque heure. Hein. Et pour cette première heure, ce sera un titre de Daryl Hall et de John Oates. Ah bah voilà, hein, rendez-vous tout à l'heure pour Minator, c'est le titre de leur duo. On commence cette émission avec les sorties cinéma dans un court instant, je vous le disais, juste après Sortie Gold. Voici Starstruck tout de suite. Give you right on my own, 'cause when I turn you on again. Bizarre hein, cette fin de chanson, c'était Santigold à l'instant sur FM et Radio Antigone, un titre datant de 2008, il se nommait Starstruck. Il est 10h16, nous sommes tout pile à l'heure pour les sorties cinéma. Les sorties cinéma. Puisque chaque dimanche, vous en avez l'habitude maintenant, ça fait déjà un an, eh bien on fait un petit tour du côté des films qui sortent le mercredi suivant, ça sera mercredi 30 novembre avec, pour commencer, eh bien cette comédie dramatique, Annie Colère, elle est signée Blandine Lenoir. Vous pourrez notamment retrouver au casting, Laure Calmi, Zita Arno et India Air, direction février 1974, vous rencontrerez Annie, ouvrière et mère de deux enfants qui rencontre le MLAC, Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. L'histoire de Annie Colère, c'est en salle dès ce mercredi. Il y a ensuite le film Le Lycéen, signé Christophe Honoré. Et le film raconte l'histoire de Lucas, qui a 17 ans, quand soudain son adolescence vole en éclats, car à l'aide de son frère monté à Paris et de sa mère avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. C'est avec Paul Kircher, Juliette Binoche et Vincent Lacoste notamment, un drame de 2h02 à retrouver en salle ce mercredi. Allez, un troisième film, on devrait avoir le temps, mais oui, largement. Il s'agit du film... Il se nomme Fumée fait tousser. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justifiés qu'on appelle les tabac force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Voilà, une comédie de Quentin Dupieux avec Gilles Lelouch, Vincent Lacoste et Anaïs Desmoutiers. C'est donc en salle ce mercredi. Allez, un autre film pour continuer, une comédie, Mon rendez-vous avec Léo, comédie réalisée par Sophie Hyde avec Emma Thompson, Daryl M. Comac et Mabeleka. Ce film raconte l'histoire de Nancy Stokes, enseignant à la retraite, qui a vécu une vie sage et sans excès. Mais après la mort de son mari, elle est prise d'un désir d'aventure. Elle s'offre alors les services d'un jeune escorte boy, Léo Grande. Le film est à retrouver en salle dès ce mercredi, bien sûr. Allez, on continue, on a encore le temps d'en faire un avec un petit dessin animé, un petit film d'animation. Une comédie, voilà, pour toute la famille. Enzo le Croco, un film que vous allez pouvoir voir à partir de 6 ans. Le film qui raconte l'histoire, de la famille Prime qui déménage à New York. Leur jeune fille Joss peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Mais tout cela change quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar. Il vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Joss deviennent très très vite amis, mais lorsque l'existence de l'insolite crocodile est menacé par leur diabolique voisin, Monsieur Grooms, les Primes vont s'allier avec Hector Valenti, le propriétaire d'Enzo, afin de prouver au monde qu'une famille peut toujours s'improviser. Un film qui est adapté de la série de romans à succès écrit par Bernard Weber, Enzo le Croco, qui est aussi une comédie musical. Voilà pour ces sorties ciné. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. Dans un instant, on retrouve Dominique Barrière et Arnaud Pontus pour parler, pour parler interconnexion de place boursière. Mais pour l'heure, c'est Groomy avec Broken. I've been jealous, over jealous, getting mad and break. Break up, people tell us they don't know about our dreams. Oh, I'll try to be your teammate, your partner, your friend now. Now I'm incomplete, we both know we started this chaos. I swim every ocean, I cross every height, I'm doing Gromy, c'était Broken sur Phil FM et Radio Antigone, 10h23 tout pile. Aujourd'hui, l'économie. Et oui, nous sommes là, aujourd'hui l'économie, avec l'interconnexion de places boursières. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Les plus grandes bourses d'Afrique unissent leur réseau pour faciliter le financement de l'économie. L'interconnexion de 7 places financières a démarré vendredi dernier. 7 bourses participent à cette plateforme encore en phase expérimentale. Johannesburg, Lagos, Nairobi, Casablanca, Abidjan, la bourse d'Égypte et celle de Maurice. Une union hétéroclite par la taille des participants. La BRGM pour Abidjan, qui regroupe les 8 pays de la sous-région, pesait 10 milliards de dollars en capitalisation boursière à la fin de l'année dernière. 10 fois moins que Johannesburg, la plus ancienne, la plus prospère des bourses africaines, avec plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation au compteur. Mais l'interconnexion n'est pas la fusion, c'est surtout un moyen de mieux faire circuler l'argent d'un pays à l'autre dans un continent encore hyper fragmenté. Concrètement, Dominique, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, avec cette plateforme, un Ivoirien, par exemple, peut acheter une action émise à Nairobi en s'adressant au courtier ivoirien assermenté. Celui-ci se mettra alors en relation avec son alter ego kényan pour réaliser l'opération. Les frais ne devraient pas doubler, mais être partagés entre les deux courtiers. Sur un continent où seulement un adulte sur 10 a un compte en banque, parler d'investissement en bourse transfrontalier peut sembler assez surréaliste. C'est pourtant une évolution indispensable pour rendre la bourse plus attractive. C'est ce qu'explique Ange Panou, économiste chez Sika Finance à Abidjan. Les épargnants, qu'ils soient des particuliers ou des institutionnels comme les caisses de retraite, pourront ainsi diversifier leurs placements. Pour les Nigérians qui subissent les dépréciations fréquentes du Naira, acheter de la dette émise en CFA sur le marché ivoirien, par exemple, peut être un bon moyen de protéger son capital. Passer par des courtiers assermentés, c'est aussi sécuriser son opération, précise notre interlocuteur. Investir en bourse est plus sûr, il faut le réaffirmer, que les pyramides de Ponzi frauduleuses qui ont ruiné des Ivoiriens trop crédules, trop fréquemment. Sans parler des investissements en crypto, si facile d'accès, mais si dangereux pour préserver la valeur. Est-ce que la bourse est vraiment appréciée des entreprises africaines ? Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui en Afrique, la plupart préfèrent se financer par l'emprunt bancaire ou le private equity, les fonds privés, parce que c'est moins cher, moins exigeant en réglementation et moins compliqué que la bourse. Résultat, les fruits de la croissance réalisée par ces entreprises enrichissent d'abord les banques ou les fonds, mais pas les locaux, tandis qu'en bourse, les dividendes sont redistribués en fin d'année aux actionnaires locaux. L'interconnexion permettra ainsi de drainer des capitaux de nouveaux horizons et donc peut-être d'attirer davantage les entreprises, à condition de créer aussi de nouveaux marchés adaptés à la taille des PME qui forment 80% du tissu économique d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors au départ, ce sont les États qui ont fait la promotion de l'interconnexion des bourses africaines. Oui, tout à fait. L'idée a été lancée en 2015. Les États réalisent que lever des capitaux sur les marchés occidentaux, les fameux eurobonds, peut se révéler dangereux quand l'euro ou le dollar ou le billet vert, le dollar sera fermé. Alors avec l'interconnexion des bourses, ils espèrent pouvoir se financer sur le marché africain. Cela réduira partiellement le risque de change et les rendra moins dépendants des créanciers, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques, en cas de crise de la dette. La pandémie a fragilisé les finances des États africains, mais elle a aussi accéléré ces projets d'interconnexion des bourses, estime Ange Panou. Si l'expérience menée depuis vendredi est concluante, la nouvelle plateforme sera opérationnelle et inaugurée début décembre à Abidjan. Merci à vous, Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie chaque matin sur RFI. Et tous les week-ends sur Radio Antigone et Phil FM. Dans une heure, Juliette Chénon évoquera le cas de la myrtille péruvienne qui poursuit son expansion sur le marché mondial. Mais avant, à 10h30, on va faire un point sur l'actualité et sur la météo. Il y aura les actus du numérique, bien sûr, et puis une nouvelle demi-heure avec l'éphéméride. Oui, oui, l'éphéméride qui sera là. La météo, je ne vous l'ai pas dit. Et puis les actus des médias avec Xavier qui devrait nous rejoindre normalement dans quelques minutes. 10h27, juste avant le point sur l'actu, eh bien on écoute The Prodigy. C'est Bruce, un titre extrait de l'album The Fat of the Land, sorti en 2005. Très bonne matinée à l'écoute de Phil FM et de Radio Antigone. sur Phil FM et Radio Antigone, c'était Brice avec The Prodigy, un titre sorti en 2005. Phil FM, Radio Antigone. Merci de nous rejoindre. Si vous arrivez à l'instant, c'est toujours la case du week-end qui continue avec la deuxième demi-heure. Il est 10h30. Phil FM, feel the vibe. Phil FM. Comme toutes les demi-heures, je vous propose de faire un point sur l'actu avec la rédaction. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Deux enfants de 6 et 9 ans sont décédés dans l'incendie d'un immeuble à Honnay-le-Château dans l'Aveyron ce matin. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes du sinistre. Après un été marqué par une succession de grèves dans l'aérien européen, les fêtes de fin d'année pourraient également être en partie gâchées pour les Français qui envisagent de prendre l'avion pour leur congé. Chez Air France, un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier a été déposé sur fond de conflit social sur l'accord collectif des hôtesses et stewards. Chez EasyJet, le syndicat national du personnel navigant commercial alerte sur un risque très important d'arrêt de travail du personnel navigant commercial pendant les fêtes de fin d'année. Dans le reste de l'Europe, la fronde sociale se poursuit également, comme pour TAP Air Portugal, qui a annoncé l'annulation de 360 vols avant une grève de 2 jours du personnel de cabine prévue les 8 et 9 décembre prochains. Dans l'actualité internationale et la guerre en Ukraine, le président français Emmanuel Macron a annoncé une contribution supplémentaire de 6 millions d'euros pour le transport et la distribution par le programme alimentaire mondial de céréales d'Ukraine à destination du Yémen et du Soudan. Par ailleurs, l'électricité a été rétablie à Kherson à la suite de sa libération après des mois d'occupation russe, selon un responsable de la présidence ukrainienne. Enfin, aux États-Unis, la chanteuse, actrice et danseuse américaine Irene Cara a été retrouvée morte à son domicile en Floride hier. La cause de la mort de l'artiste de 63 ans n'est pour l'instant pas connue. Elle avait remporté 2 Oscars de la meilleure chanson originale dans les films Fame et Flashdance dans les années 80. C'est la fin de ce flash. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. On rendra hommage d'ailleurs à Irene Cara un petit peu plus tard dans l'émission. On vous retrouve tout de suite pour la météo. Ah, ça démarre pas, c'est pratique ça. La météo est-elle là ? Bonjour. Bonjour et bienvenue, voici les prévisions météorologiques pour cette journée de dimanche. Ce matin, le temps est gris sur une grande partie du pays. Il pleut sur le nord-ouest des pays de la Loire à la frontière belge. À l'est, le temps est brumeux et assez froid. Au sud et sur les reliefs, les éclaircies dominent. Cet après-midi, la perturbation évoluera peu sur le nord-ouest avec des pluies qui avanceront lentement vers le centre. Le ciel va se couvrir à l'avant mais sans précipitation. Le soleil, parfois voilé, dominera au sud. En soirée, le temps restera maussade au nord-ouest avec des pluies qui s'étendront vers le littoral atlantique. Le ciel restera nuageux ailleurs, sauf vers le sud où ce sera plus dégagé. Les températures restent stationnaires et de saison. On attend des maximales de 9 degrés à Lille et Belfort. Il fera 14 degrés à Brest et Lyon, 15 degrés à Bordeaux et Montpellier et 18 degrés à Biarritz, Nice et Ajaccio. Merci beaucoup à la rédaction. On vous retrouve dans une demi-heure à 11h pour un nouveau point sur l'actu. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. On est parti pour la deuxième demi-heure. La case du week-end qui se poursuit bien sûr. Merci beaucoup de nous écouter. On continue deuxième demi-heure avec, dans un peu moins de 4 minutes, les actus du numérique. Il y aura l'éphéméride et aussi les actus des médias avec Xavier qui devrait me rejoindre dans quelques instants. Et puis, on va écouter de la musique. Voilà, tout simplement avec dans quelques instants Kim Petras et son titre Coconuts. On écoutera également un classique musical avec dans quelques instants Daryl Hall et John Hurt pour Manhunter. Ça ça va nous faire du bien tout ça, dites donc. Ah bah oui, il est 10h34, presque 35 sur Radio Antigone et sur Phil FM. On parle donc numérique dans un instant, juste après ce titre sorti en 2020 et qui est devenu un grand single en début de cette année. Voici Master KG, Jérusalem. Shilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. I call Anna, Buso Ami, I call Anna. C'était Master KG avec Jérusalem sur Phil FM et Radio Antigone. Voici les actus du numérique. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Enfin, la nouvelle interface de VLC devrait arriver. Oui, oui, oui, il est temps, hein, puisque la version 4.0 est dans les tuyaux depuis un bon moment. Avec elle, eh bien, une nouvelle interface qui devrait être beaucoup plus moderne, hein, parce qu'il faut quand même se le dire, l'interface actuelle de VLC commence à vieillir pas mal, hein, ça fait quelques années, hein, au moins 10 ans je crois que cette interface est présente, et donc eh bien, un grand bouleversement devrait arriver, que ce soit du côté interface ou du côté également technique, avec VLC 4.0 qui devrait, eh bien, selon les informations qu'on avait eues il y a quelques mois, voire même quelques années déjà, depuis le temps qu'elle est dans les tuyaux, eh bien, qui devrait plus ressembler à eh bien, une vraie bibliothèque médiatique où vous retrouverez tous les médias au-delà de juste les jouets, avec une interface qui se baserait eh bien, sur eh bien, tout ce que vous avez sur votre disque dur, en quelque sorte. On a eu quelques nouvelles infos, voilà, avec au mois de septembre un nouvel aperçu de l'interface qui se déclinera en deux versions, un mode clair, et puis comme c'est de coutume maintenant, hein, pour l'accessibilité, un mode sombre bien pratique la nuit pour ne pas s'éclater les yeux, comme l'a fait la Star Academy lors du deuxième Prime avec Amir à minuit. Une belle interface donc, qui devrait ravir ceux qui commencent à en avoir mal, hein, marre clairement de cette vieille interface. Pour l'instant, si vous voulez tester, vous pouvez la tester avec les Nightly Build, les versions vraiment plus que bêta de VLC 4.0. C'est possible notamment sur Mac, j'ai pas vérifié sur Windows, mais il faudrait que j'aille voir, c'est pas impossible. En tout cas, belle interface, et puis on en reparlera avec la sortie qui se fera sans doute en grande pompe de cette nouvelle version tant attendue depuis, oh là là, de nombreuses années. Il n'en est pas moins que VLC reste malgré tout mis à jour, avec sa version 3 qui est mise à jour du point de vue sécurité, et puis grâce à FFmpeg, vous avez de toute façon une compatibilité avec les médias les plus récents, sans même une grosse mise à jour de VLC. Tous les week-ends, de 10h à midi, c'est la case du week-end. Comment ça va? J'espère que ça va, oui. Vous savez quoi? On va parler de cette journée, de ce dimanche 27 novembre 2022, dans un instant, avec l'éphéméride qui arrive. Il y aura un classique musical avec Darry Hall et John Haight, et puis des actifs des médias avec Xavier qui devrait me rejoindre. On verra, sinon on improvisera quelques actus médiatiques. Pour l'instant, voici Kim, Petra, voilà, qui va nous rejoindre également. Elle est là. C'est Coconuts tout de suite à 10h41. Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM. Vous venez d'écouter Kim Petras. C'était Coconuts à l'instant. L'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 novembre 2022. Bonne fête aux Virgiles, aux Virgilia, aux Virgilianes, ainsi qu'aux Virgilise, oui, puisque ça existe avec un Z à la fin, c'est assez original, je trouve. On est le 331e jour de l'année, il en reste 34 avant la fin de l'année, et oui, déjà, ça passe vite. Et c'est aujourd'hui, aucune journée mondiale, mais le site journée-mondiale.com nous informe que c'est le jour du chou-fleur. Voilà, tout simplement, oui, d'après Wikipédia, il s'agirait du jour du chou-fleur. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette info qui va vraiment être utile pour votre journée à ressortir hein, au bureau si vous travaillez en ce dimanche, même demain. Eh, tu sais, Jean-Pierre, c'était la journée mondiale, c'était le jour du chou-fleur hier. Voilà, en tout cas, c'est vraiment utile. Est-ce qu'on passerait pas à quelques anniversaires de célébrités? Ouais, ça serait pas plus mal. Hein. Aujourd'hui, eh bien, nous fêtons l'anniversaire de William Fichtner, acteur américain qui fête ses 66 ans. Rachida Dati a 57 ans, tandis eh bien que Steve Bannon a 69 ans. Qu'a-t-on d'autre? Qui est né eh bien un 27 novembre? Eh bien, il y a Michael Vartan, voilà, qui a 54 ans aujourd'hui. Et puis, bon anniversaire aussi au film et au personnage du film La Reine des Neiges, dont le premier opus est sorti il y a 9 ans déjà. Et oui, c'était en 2013, comme quoi ça passe très très vite. Et non, je vous rassure, on n'écoutera pas le single aujourd'hui. Voici quelques événements s'étant déroulés un 27 novembre. Bah oui, quelques événements culturels. C'est le 27 novembre que qu'ont été inventées les allumettes à friction. Et c'est John Walker, un chimiste anglais, qui les a inventées le 27 novembre 1826. C'est également un 27 novembre, le 27 novembre 1861, qu'a été inauguré le tramway à cheval de Montréal, le Montreal City Passenger Railway Company, dans la province de Québec, donc, en 1861. Donc, c'est également en un 27 novembre, que l'OMS a détecté les premiers cas du SRAS, provoquant une pneumonie atypique, alors pas la version Covid-19, mais donc le SRAS tout court, détecté par l'OMS le 27 novembre 2002. Allez, on continue avec d'autres événements. C'est un 27 novembre également que, eh bien, Libération, quotidien français lancé par le mouvement de résistance Libération Sud, a cessé de paraître, voilà, en 1964. Ce n'est pas le Libération que l'on connaît, hein. C'est un journal qui avait été édité à partir de 1941 au cours de la Seconde Guerre mondiale, d'abord périodique clandestin, eh bien le journal a continué après la guerre. Voilà pour cette éphéméride, très très bonne journée à tous et bon anniversaire si vous êtes né un 27 novembre bien sûr. Le classique de la case du week-end. Vous l'attendez tous, le classique musical, un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Bah oui, vous êtes là pour ça, que pour ça, je sais très bien que vous n'êtes là que pour ça. Vous savez quoi? On l'écoute dès maintenant. Il est signé d'Eri L et John Oett et il est sorti en 1982. C'est Monitor, tout de suite. Get it for free. The woman is wild. She can't tame by the perm and jaguar. Le groupe Hall & Oates, Derry Hall et John Oates, leur plus grand succès numéro 1 au Canada, aux États-Unis à un moment et même en Espagne, c'était Manhattan à l'instant. Il est 10h51, voici eh bien, les actus des médias. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Le torchon brûle entre TF1 et C8, ou plutôt entre TF1 et Touche pas à mon poste, puisque Cyril Hanouna est toujours en roue libre. On ne reviendra pas sur des sujets qu'on n'a pas évoqués depuis, mais qui se sont des choses qui se sont passées depuis la dernière case du week-end. En tout cas, eh bien, vendredi, Cyril Hanouna a étayé des fausses informations selon TF1 sur les éléments financiers de la production. Du lait avec Alain Chabat, dans la volonté, selon TF1, de dénigrer l'émission du lait. TF1 qui s'est empressé de préparer un communiqué de presse, publié donc après la diffusion en direct de cette émission. Cyril Hanouna, et c'est ce qui est dénoncé par TF1, aurait expliqué que les invités seraient payés à hauteur de 100 000 euros par émission pour le lait de Alain Chabat. Information directement, contredite par TF1 et la production RNJ qui démentent totalement ces informations, je cite, mensongères, car d'après ce communiqué, toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel. La TF1 demande donc à la production de C8 que le démenti soit relayé à l'antenne de C8 durant l'émission de lundi directement, hein, et puis que dans ce caractère répété des provocations et attaques contre les antennes du groupe TF1, le groupe TF1 a de nouveau saisi l'ARCOM afin qu'elle agisse pour faire cesser ces, je cite, agissements inacceptables. Je rajoute que plus largement, selon TF1, ces propos inacceptables ne sont pas sans précédent, hein, et que TF1 se réserve donc le droit de défendre ses intérêts par toute autre voie. Voilà, donc potentiellement une action en justice si Touche pas mon poste continue, et ça a l'air visiblement de continuer, car Cyril Hanouna a directement réagi à ce tweet, à ce communiqué de presse, pardon. Il a directement réagi sur Twitter, bien sûr, en expliquant qu'ils allaient bien sûr en parler lundi, voilà, de ce communiqué, mais qu'ils allaient aussi parler de ce groupe de Los Angeles dont ils se posent la question. Quand ils font venir un groupe de Los Angeles, est-ce que c'est gratuit? Voilà. Ils vont donc visiblement affiner leur enquête et donner tous les chiffres. Et rajoutons une petite pique sur les audiences. Voilà, tout simplement. Bon, Cyril Hanouna qui a décidé d'en rajouter une couche et de ne pas se faire petit comme tout le monde ferait dans ce genre de situation. Voilà pour ces actus des médias. Normalement, dans une heure, on devrait retrouver Xavier qui a préparé une chronique je n'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais on devrait le retrouver, bien sûr, ne vous inquiétez pas. J'ai encore un petit peu de temps, de quoi je peux vous parler d'autre dans ces actus des médias, vous allez voir. Là, je dis que j'ai encore un petit peu de temps, et à la fin, j'aurais duré trop longtemps. Voilà, tout simplement. Je ferai pas un point sur les audiences radio sorties la semaine prochaine, puisque ça fait déjà une semaine, mais on peut quand même parler des audiences des journaux de France 2, des journaux de TF1 et de France 2. TF1 qui a décalé ses journaux aux alentours de 19h en raison de la Coupe du Monde de football, si bien que les audiences sont un petit peu en berne, voilà, puisque ce vendredi, le JT de TF1 d'Anne-Claire Coudray avait réuni seulement 2,37 millions de téléspectateurs, soit derrière le 19-20 de Sophie Le Saint sur France 3 qui avait lui réuni 2,69 millions de téléspectateurs, tandis que N'oubliez pas les paroles était large leader avec 3,16 millions soit 18% de parts de marché. Nagui qui devait donc conserver son statut de leader de la tranche de 19h, hein, avec par contre une émission qui était un petit peu en mode spécial puisque c'était les Masters actuellement, les Masters de N'oubliez pas les paroles. Juste derrière TF1, eh bien il y avait, c'est à vous, 1,42 millions de téléspectateurs. On est donc passé sous les 2 millions, hein, mais c'est à vous qui est vraiment en très grande forme en ce moment, qui devance Objectif Top Chef, ça c'est M6 avec 1,24 millions de téléspectateurs. TV PMP Weekend, le Before, on en parlait justement, en dessous 10 millions de téléspectateurs. Et puis Quotidien Weekend, première partie, était également en dessous, juste après, suivi de TFX, bien loin avec 150 000 téléspectateurs seulement. Et Click Best Of avec eh bien moins de 100 000 téléspectateurs, 53 000 téléspectateurs. Voilà, voilà pour ces chiffres médiamétrie entre 19h21 et 20h03. Allez, on enchaîne tout de suite. On retrouve eh bien des actus des médias un petit peu plus tard dans l'émission, dans moins d'une heure. Et tout de suite, avant de faire un nouveau point sur l'actualité à 11h tout pile, ce sont les Offsprings qu'on écoute avec Come Out and Play. Et moi, je vais boire un petit coup. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey! Don't be no mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey, hey! Come on and play! The Offspring, c'était Come Out and Play sur Phil FM Radio Antigone, extrait de l'album Smash, remasterisé en 2008, dont vous venez d'écouter la version. Et je vous prie, nos auditeurs de Phil FM, de me pardonner pour la qualité de mon micro, qui apparemment est horrible sur Phil FM. Voilà, je n'ai pas de problème de micro, mais le rendu sur Phil FM est étrange. Je ne sais pas pourquoi, j'essaie de régler le problème, mais c'est totalement incompréhensible. Voilà, je vais essayer de régler le

Les Raptures seront également là et en hommage à Irène Cara qui nous a quittés hier à l'âge de 63 ans seulement, nous vous proposerons d'écouter son grand classique Femme dans le cadre du classique musical. Rendez-vous juste avant les actus des médias pour cet hommage. Direction l'archive pub tout de suite à 11h06. L'archive pub. 1987 avec une découverte d'une pub diffusée sur Antenne 2 le 2 juillet et diffusée sur la chaîne Wikipédia de Grec TV. Pacifique. Pacifique. Pacifique. Publicité pour Pacifique, publicité qui est majoritairement visuelle, hein, il faut le dire, mais niveau musique, bah, c'est assez intéressant, c'est vraiment très très calme. Et la finalité, c'est quoi? Eh bien, ce sont deux personnes qui se servent un verre. Pourquoi? Eh bien, parce que Pacifique, c'est une marque d'anisé sans alcool, produit par le groupe Pernod Ricard, qui produit aussi des boissons anisées à l'alcool, hein. Boisson créée en 1982 par André Siller à l'occasion du 50e anniversaire de Ricard, justement. La recette de Pacifique est toujours secrète, selon ce qu'on nous dit, composée d'extraits naturels de plantes méditerranéennes et chinoises, notamment d'anis étoilé. Elle n'a pas de sucre, et est annoncée sans calories, selon Wikipédia et la page de Pernod Ricard. Quatre déclinaisons ont été créées, hein. Une à la menthe, une à la noix de coco, une aux fruits de la passion et une autre à la fraise. Sachez que si vous voulez cette information pour la dégustation, le dosage est de 1 volume de Pacifique pour 5 volumes d'eau. Voilà, c'est peut-être une des boissons de Ricard que certains peuvent boire car elle est sans alcool. Voilà, je ne m'inclus pas forcément dedans. En tout cas, c'est une marque que j'ai découvert, qui est toujours vendue et dont on n'entend pas forcément parler, et qui avait à l'époque, en 1987, bien droit à sa publicité. Oui, sa publicité, donc, sur Antenne 2. Merci à cette, archive pub grâce à la chaîne Dailymotion de Grec TV. Je crois que j'ai dit Wikipédia tout à l'heure parce que, comme en bête, j'ai noté sur la chaîne Wikipédia de Grec TV. Je ne savais pas qu'on pouvait créer des chaînes vidéo sur Wikipédia. Voilà pour cette archive pub. On enchaîne tout de suite avec Bruno Mars. C'est Skate qu'on va écouter. Voilà, sachez qu'il y aura le Musicator 2000 dans un instant. On va partir au Mexique. Voilà, pour découvrir une musique diffusée actuellement sur une radio de ce pays. On se retrouve dans quelques instants après donc ce titre de Bruno Mars, extrait de l'album An Evening with Silk Sonic. Yeah. Merci beaucoup d'être avec nous sur Phil FM et sur Radio Antigone. Phil FM qui a toujours un problème de réglage son. Je ne sais pas pourquoi ma voix passe d'une façon aussi saturée alors que tout est pourtant normal. Bon, on va régler le problème. Voilà, petit à petit, il faudra peut-être redémarrer. Je vous tiens au courant en tout cas. Ah ouais, ouais, non, oui, effectivement, elle est amplifiée au max et réamplifiée après. Je comprends tout à fait que ça fasse ça. Par contre, je comprends pas pourquoi ça le fait. Voilà, bon, on passe tout de suite, au Musicator 2000. Bah oui, le Musicator 2000, il est bien le Musicator 2000. Non, vous n'aimez pas le Musicator 2000? Le Musicator 2000. C'est très simple, on va sur une radio d'un autre pays et on écoute la musique diffusée actuellement sur cette radio. Voilà, et là, nous allons aujourd'hui sur une radio d'Amérique du Sud, sur Los 40. Oui, je ne sais pas dire 40 en mexicain, hein. Je suis désolé, vous m'excuserez. Cette radio diffuse actuellement Abraham Mateo et Ana Mena pour leur titre Quiero Decirte. Et c'est donc, eh bien, tout simplement ce qu'on écoute, car c'est le principe même du Musicator 2000. Je vous propose l'extrait, justement, d'un concert organisé de Music Awards 2022, organisé par Los 40, la radio, justement, sur laquelle nous allons. Donc, je vous propose d'écouter cette musique. Todos los éxitos. Al punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar. Yeah. Voilà pour cette musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Et oui, il s'agit d'une radio mexicaine Los 40 et Ana Mena et Abraham Mateo pour Cuire de Cierte. Sachez que eh bien cet extrait date est extrait justement. Oh, j'ai vraiment du mal. Hein, est extrait des Directos Los 40 Music Awards 2022, les Music Awards organisés par la radio justement sur laquelle nous étions pour ce Musicator 2000. Merci d'être avec nous. Voici le programme télé. Radio Antigone, Phil FM, le programme TV. Et non, je n'arrive pas à régler le problème de son du côté de Phil FM. C'est totalement incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est très étrange. Voilà, je fais ce que je peux en tout cas pour régler ce problème, mais c'est vraiment très très étrange. Alors, le programme télé, et oui, je vous propose de commencer comme tous les jours par TF1 qui est en mode foot. Hein. Vous avez la deuxième journée de la Coupe du Monde avec le groupe E, l'Espagne qui affronte l'Allemagne à partir de 19h50 et c'est suivi du film Les Misérables qui est inédit à 22h55, film nommé lors d'un festival de Cannes. Sur France 2, il y a un film qui est diffusé dès 21h10, il s'agit de La Chance de ma vie. Sur France 3, Inspecteur Barnaby à 21h10. Sur Canal+, la 11e journée de Top 14 de rugby, Lyon affronte Toulouse et c'est suivi du débrief à 22h56. Sur France 5, un magazine, recettes pour un monde meilleur, mieux manger pour changer le futur. Sur M6, un numéro inédit de Zone Interdite, road trip démesure et mariage surprise, ils réalisent leur rêve de découvrir l'Amérique. C'est à partir de 21h10 et c'est suivi d'un numéro d'enquête exclusive inédit consacré aux oligarques russes, La Grande Traque, diffusé à 23h10. Sur Arte, le film The Immigrant, suivi du magazine inédit Hannibal Hopkins on Sir Anthony à 22h40. Sur C8, film inédit, Le Train. Sur W9, Paris à tout prix, c'est un film aussi diffusé à partir de 21h05, suivi de la rediffusion de Babysitting 2. Sur TMC, Jurassic World dès 21h05. Sur TFX, le film Les Gazelles. Sur NRJ 12, le téléfilm de Noël, La Destination de Noël. Tandis que LCP Public Sénat, la chaîne parlementaire, vous propose comme tous les dimanches soirs, Rambob Ina, consacré aujourd'hui à Starmania, aux origines du premier opéra rock français. Sur Culture Box, dans la mesure de l'impossible, un magazine diffusé à partir de 21h10. Voilà, il est donc diffusé tout à l'heure sur le canal 14 de la TNT. Continuons avec Chicago Fire, ça c'est ses stars qui vous proposent un numéro, un épisode inédit de cette série télé, c'est à partir de 21h10. Qu'est-ce qu'on a d'autre au programme? Eh ben on a RMC Story. Ah ben non, mince, c'est vrai, déformation par rapport à l'afterwork où je fais un point rapide sur le programme télé, là je fais le programme complet, c'est vrai, j'avais oublié. Sur Gulli, eh bien 21h05, Tiny House, mini maison sur mesure, un nouveau numéro à partir de 21h05. Sur TF1 série film à 21h, La Merveilleuse Boutique de Noël, c'est un téléfilm, suivi du film Noël a cappella à 22h45. L'équipe de Greg vous donne rendez-vous dès 18h55 sur la chaîne L'Équipe et l'équipe du soir à 21h53. Sur Sister, eh bien vous avez le film Duo d'escrocs, suivi d'un parfum de Noël, un téléfilm. Sur RMC Story, faites entrer l'accusé, plusieurs épisodes ce soir. On commencera par la tuerie de Belade à 21h10, suivi de la loi de Denis Manetchez, c'est inédit à 22h45. Sur RMC Story, seul face à l'Alaska, tandis que Chérie 25 vous propose des rediffusions des petits meurtres d'Agatha Christie avec l'épisode Ding Dang Dong et Meurtre en solde. Voilà pour ce programme télé. Dans quelques instants, eh ben nous allons parler économie avec notre partenaire RFI. 10h midi, la case du week-end. Il y aura un nouveau point sur l'actu à 11h30 avec la rédaction et puis bien sûr de nouvelles actus du numérique. Pour l'instant, voici un titre sorti l'année dernière signé Robin Schulz. Young Right No. C'est tout de suite à 11h22. Very high hopes and dreams, I no longer need them. Robin Schulz, Young Right Now sur FM et Radio Antigone, 11h25. Aujourd'hui, l'économie. Le Pérou prévoit une hausse d'exportation de ses myrtilles de 28% pour l'an prochain. Plus de 285 000 tonnes devraient être expédiées. Le pays est devenu en 10 ans le premier exportateur mondial de myrtilles. Explication de la correspondance à Lima de RFI, Juliette Chénion. Cette année est un nouveau record pour le Pérou, deuxième producteur au monde de myrtilles derrière les États-Unis. Le Pérou maintient aussi sa position de premier exportateur mondial. Ce marché de l'exportation représente plus $1 milliard. La moitié des exports se fait vers les États-Unis, un quart vers l'Europe et 10% vers la Chine. Plus d'un tiers de la production de myrtilles au Pérou est gérée par de grands groupes fruitiers du continent sud-américain. Au total, 300 000 tonnes de production pour la saison prochaine, bien loin donc des résultats d'il y a 10 ans quand 30 tonnes de myrtilles seulement étaient récoltées chaque année. L'industrie de la myrtille doit beaucoup à Carlos Herrera, fondateur de Inca Berries en 2009. Inspiré par ses voisins chiliens, l'entrepreneur a testé plusieurs variétés avant d'en retenir 4 pour le Pérou, puis d'en créer de nouvelles adaptées au climat local. Ce climat est un atout du pays par rapport à ses concurrents nord-américains. Ici, la myrtille se cultive à tout moment de l'année et le rendement est excellent, 13 tonnes par hectare au Pérou contre 8 aux États-Unis. Résultat, une trentaine de pays importent des myrtilles péruviennes. Cet été, par exemple, la Jordanie et Israël ont reçu leur première livraison. L'Inde également a acheté ses 23 premières tonnes de myrtilles du Pérou l'an passé, mais le prix de vente, lui, est en baisse, notamment à cause des nouveaux producteurs de myrtilles sur le marché mondial. Le kilo se vend actuellement sous la barre des $5. Autre défi pour la myrtille péruvienne, la hausse des coûts du transport, notamment par bateau. Et dans les prochaines années, si le Pérou veut garder sa place d'exportateur numéro 1, cette culture de la myrtille, gourmande en eau et sensible à la sécheresse, devra impérativement devenir plus durable. Merci Juliette Chénion, correspondance à Lima de RFI. Marie-Pierre Olfant, vous nous rejoignez pour nous parler du marché du karité qui a vécu pour certains experts un pic surprenant et brutal des prix. Donc Marie-Pierre, ce qui était à un très bon prix ces 10 dernières années est aujourd'hui presque à un prix minimum. Un kilo d'amande de karité dépassait en effet rarement les 200 francs CFA, alors qu'aujourd'hui le kilo s'échange au moins à 250 francs CFA chez tous les gros producteurs d'Afrique de l'Ouest et même à 300 francs CFA au Burkina Faso, au Mali et au Bénin. Une aubaine pour les producteurs, d'autant que la récolte est manuelle et que la culture n'est pas frappée par une augmentation des coûts de production comme tant d'autres. Le premier facteur de hausse est la demande soutenue chez les grands industriels exportateurs, notamment l'Amérique. Bungie et le danois AAK, mais aussi chez les transformateurs locaux. Une demande qui se heurte à une production inférieure aux attentes. Les opérateurs n'avaient pas anticipé une baisse de la récolte et ont été pris au dépourvu, d'autant que ces derniers mois, ils ont peu stocké, voire même pioché dans leurs réserves. L'autre facteur qui a accéléré l'augmentation des prix est lié à la disponibilité des amandes sur les marchés. Avec la fin de la saison des pluies, les vendeuses se concentrent en effet sur les récolte annuelle d'arachide et de céréales et laisse leur stock d'amandes récoltées à domicile, ce qui alimente un peu plus l'impression de manque. La Guinée fait exception dans ce paysage de prix en augmentation. Le pays est éloigné géographiquement des deux principales zones de commercialisation que sont le Ghana et le Burkina Faso et n'abrite pas sur son territoire d'usines de transformation industrielle. La pression sur l'offre guinéenne est donc moindre et les prix plus bas que dans les pays voisins. Il pourrait cependant être retiré vers le haut dans les prochaines semaines au vu de la tension sur le marché. Merci beaucoup Marie-Pierre et à la semaine prochaine. Et bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à régler le problème du son. Normalement, vous m'entendez en bien meilleure qualité pour vous annoncer qu'il est 11h30. File FM, Radio Antigone. Dans un instant, on va donc parler numérique. Il y aura également les actus du sport avec notre partenaire RFI et de nouvelles actus des médias. Restez là. Avant tout ce très très beau programme, on fait un nouveau point sur l'actu et c'est avec la rédaction. Bonjour.

minutes avant midi pour écouter ce grand classique musical qui nous permettra de lui rendre hommage. Tout de suite, eh bien, ce sont les Raptures qui nous rejoignent. Oui, The Raptures, extrait de leur album In the Grace of Your Love, aussi le nom d'une chanson qu'on a déjà écoutée dans la case du week-end. Là, c'est It Takes Time to Be a Man, tout de suite à 11h35. Where we're all getting bigger, but it takes time to be a man. And it's more than you figure. Well, take it slow, take my hand. And there's room at the mountaintop for everyone in God's plan. And try, and there's faith in the answer. We all swear on this land, and the bells they are singing. Sur Phil FM et sur Radio Antigone, c'était les Raptours avec It Takes Time to Be a Man. Ah, et aujourd'hui, les jingles ne veulent pas démarrer. Ça, c'est au moins la quatrième ou la cinquième fois ce matin. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est le titre de cette chronique numérique. Pourquoi ? Eh bien, selon le magazine Cyber News, le service de messagerie WhatsApp, eh bien, s'est fait dérober pas moins de 487 millions de numéros de téléphone issus de 84 pays. La France serait fortement touchée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est tout simplement WhatsApp qui a été victime d'un piratage, voilà, qui aurait été victime d'une faille de sécurité qui aurait permis à des pirates de dérober près donc de 500 millions de numéros WhatsApp. La France touchée avec 19,8 millions de numéros de téléphone français volés, selon les informations de Cyber News, qui a vérifié ces informations puisque le média a pu analyser un échantillon de 1097 17 numéros issus du Royaume-Uni et de 817 autres numéros des États-Unis. Résultat de leur enquête, eh bien, les numéros sont bien reliés à des utilisateurs actifs. Ce sont donc bien des numéros importants, dont peut-être le vôtre, hein, car étant donné que le pays compte 67,5 millions d'habitants, eh bien, environ 30% des Français seraient concernés par cette fuite. Voilà, donc c'est quand même beaucoup, hein, et il faut le dire, soyez donc prudents, hein, ces prochains temps, votre numéro a peut-être fuité, donc vous serez peut-être sujet à eh bien, des arnaques, phishing ou autres qui pourraient arriver sur votre téléphone. Redoublez donc de vigilance, la probabilité que ça soit une arnaque, une tentative d'hameçonnage, phishing, est donc doublée, hein, avec cette immense faille. Sachez que le pays le plus fortement affecté est l'Égypte, puisque 44,8 millions de numéros ont été volés, ont fuité, soit sur 104 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population. En Italie, 35,6 millions de numéros ont été volés, et puis on est aux États-Unis, 32,3 millions de numéros. Par rapport au nombre eh bien, d'utilisateurs de WhatsApp, ça serait presque la moitié, hein, des numéros qui auraient été volés, parce que 500 millions, eh ben, c'est la moitié de 1 milliard d'utilisateurs, ce qui serait le nombre d'utilisateurs de WhatsApp, selon les informations que nous aurions. Voilà pour ces actus du numérique. Oh, elle était longue cette chronique pour pas dire grand-chose, dites donc. 10h midi, la case du week-end. Dans un instant, nous allons parler sport avec notre partenaire RFI, et puis il y aura également des actus des médias. Juste après Adele, voici son single Oh My God. I ain't got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fire. Love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Noël, c'était Oh My God sur Phil FM Radio Antigone, extrait de son nouvel album sorti l'année dernière pour le grand retour d'Adèle. Je commence à disjoncter, j'ai l'impression. C'était donc Adèle avec Oh My God. On passe à la suite tout de suite, ce sont les actus du sport. Ah, et ça démarre pas. Super, j'ai pourtant fait des tests, ça a démarré. Et ça démarre plus. Très bien. Eh ben les actus du sport, c'est tout de suite et c'est avec notre partenaire Réfi. On retrouve Julien Coquel-Rohem et Martin Gaze. C'en est terminé de la malédiction du champion. Voilà la France qualifiée pour le second tour de la Coupe du Monde. 2-2 pour les Bleus. Et oui, voilà 12 ans que les différents champions du monde avaient la fâcheuse habitude de prendre la porte d'entrée. Mais cette fois-ci, Julien, les coqs français passent les poules. Des Bleus qui retrouvent de bonnes manières et qui ont rendu une très belle copie. Vous l'avez suivi hier sur les antennes Afrique de RFI. Victoire 2-1 face au Danemark grâce à Antoine Griezmann virevoltant et surtout à Kylian Mbappé étincelant, auteur d'un doublé en deuxième période. C'est 30 et 31e but déjà en équipe de France. Le voilà, 3 réalisations dans cette Coupe du Monde, ce qui en fait le co-meilleur buteur. Et pourtant, la France s'est fait peur après l'égalisation de Christiansen. Mais les Bleus ont su réagir au plus grand bonheur du milieu Aurélien Tchouaméni. Ça nous a mis un petit coup à la tête, cette égalisation. Mais après, on a continué à jouer vers l'avant et on a été récompensé par ce but. Très, très content. On a rempli notre premier objectif qui est de se qualifier pour les 8e de finale. Donc, je peux vous dire que dans le vestiaire, il y avait beaucoup de joie. C'est aussi un peu notre insouciance. On joue tous dans des grands clubs. Donc, forcément, on a cette habitude de jouer sous pression et on essaye de le montrer aujourd'hui sur la plus grande marche possible dans le football. Aurélien Tchouaméni au micro d'Antoine Grenier. La France reçue 2-2 et assurée de terminer en tête du groupe D. Des Bleus déjà qualifiés qui arriveront relâchés mercredi, ce qui pourrait profiter à la Tunisie. Ah oui, les Tunisiens qui espèrent affronter une France moins concernée mercredi car les Aigles de Carthage doivent absolument l'emporter. Après un nul encourageant face au Danemark, la Tunisie a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. 1-0 face à l'Australie hier. Victoire obligatoire donc face aux champions du monde français pour espérer passer. Pour cela, il faudra commencer par scorer et le milieu tunisien Hannibal Mejbri y croit fort. On n'a pas encore marqué, mais on va y travailler. De toute façon, il va falloir marquer pour gagner le prochain match et il faut garder espoir. Il y a toujours une chance, mais certes, la balle n'est pas dans notre camp, mais on va tout faire pour gagner. Tout le monde peut battre tout le monde, c'est la Coupe du Monde. Il y a des surprises, on a vu l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Donc oui, on peut créer cette surprise et on y croit. Il n'y a plus de calcul, on va se lâcher et on va montrer qu'on est une bonne équipe et on va montrer ce qu'on a dans le ventre. Hannibal Mejbri qui en a gros sur l'estomac, au micro d'Éric Mamrut. La Tunisie est pour l'instant dernière du groupe D avec un petit point. Dans les autres rencontres de ce samedi, l'Argentine s'est reprise. Ah oui, battue d'entrée et à la surprise générale par l'Arabie Saoudite dans le tournoi, la Biceleste s'est remis la tête à l'endroit. Une frappe lointaine de Lionel Messi, un petit bijou d'Enzo Fernandez ont permis aux Argentins de battre le Mexique 2-0. Même score pour la Pologne face aux Saoudiens avec le premier but en Coupe du Monde de Robert Lewandowski. La Pologne qui domine pour l'instant cette poule C avant d'affronter l'Argentine mercredi. Et on avance dans l'alphabet ce dimanche, place aux rencontres des groupes E et F. Ah, bravo Julien, vous connaissez bien votre alphabet avec un inhabituel. Japon-Costa Rica pour se mettre en jambes ce matin. Un match d'esthète, évidemment, c'est pour vous à suivre dès 10h, temps universel. Suivi ce soir d'un très alléchant Espagne-Allemagne pour conclure la journée. Des Espagnols en démonstration face à des Allemands en perdition. Voilà pour le groupe E. Frédéric Citeau vous en dira plus sur cette équipe allemande dans une petite demi-heure. Tandis que dans la poule F, on retrouve les Lions de l'Atlas marocain. Ah oui, des Lions qui n'ont pas encore rugi ni même marqué dans ce mondial, mais qui ont tenu tête à la Croatie 0-0 lors de leur entrée. Cette fois-ci, c'est la Belgique, 3e de la dernière édition, qui se dresse devant eux. Une rencontre à suivre en direct. En intégralité sur les antennes Afrique de RFI. Hugo Moissonnier sera au stade. Sarah Loubacouche et Nabil Djellit en studio. C'est bien noté. Merci Martin Guèze. Et merci à vous Julien Coquel-Rohem pour l'avoir accompagné pour les actus du sport, ou plutôt les actus du foot dans cette Coupe du Monde. Et ça ne démarre toujours pas. Décidément, les jingles aujourd'hui, ils ont du mal. Le classique de la case du week-end. Je vous l'avais promis, on va rendre hommage à Irène Cara qui nous a quittés assez jeune, et oui, à seulement la soixantaine malheureusement, et on lui rend hommage avec un des deux grands titres qui lui a permis de gagner de nombreux titres d'ailleurs, des nombreuses récompenses. On a What a Feeling qu'on aurait pu écouter, Flashdance, mais non, c'est Fame qu'on n'a pas encore écouté en classique, donc c'est l'occasion de l'écouter dans le cadre du classique de la case du week-end. Fame, Irène Cara, un titre sorti en 1980, bande originale du titre du même nom. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. C'était Irène Cara avec Fame à l'instant. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Et alors que la Star Academy saison 11 s'est achevée là, hier, voilà, aujourd'hui à minuit 30 et a vu gagner Anisha, gagnante de cette édition 2022, M6 a tourné la semaine dernière, et bien le retour d'une émission spéciale pour fêter les 20 ans de Nouvelle Star. Et oui, la télé-réalité, le télécrochet d'M6 va fêter ses 20 ans en 2023. Et un prime spécial a d'ores et déjà été tourné, voilà, avec les retrouvailles de toute l'équipe enregistrées le mercredi 23 novembre au studio 128 de la Plaine Saint-Denis, tandis que la deuxième partie du tournage a eu lieu, eh bien, seulement un petit peu plus tard, le lendemain. Au final, eh bien, vous allez retrouver en plateau des candidats marquants, notamment Thierry Amiel, finaliste de la saison 1, ou encore Steve Estatoff, Myriam Abel, Christophe Willem, Julien Doré, vainqueur des saisons 2 à 5, et même des candidats de la saison 4, comme Miss Dominique ou Bruno Monroe, pour cette émission qui permettra de faire revivre la Nouvelle Star. Pour l'instant, il ne s'agit qu'un événement spécial, pas de retour de l'émission prévue, hein, comme pour la Star Academy qui avait fait le même modèle, une émission pour fêter les 20 ans, suivie du retour avec une nouvelle saison de seulement 6 semaines, mais une autre saison aurait peut-être été commandée. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, rien n'est totalement confirmé, mais une nouvelle saison pour dans un an, qui durerait cette fois beaucoup plus de semaines, une durée assez normale pour une Star Academy, aurait peut-être été commandée. On vous en reparlera bien sûr dans la case week-end de Radio Antigone et de Phil FM. Du côté des audiences d'ailleurs de la Star Academy, c'était pas mal, hein, avec 3,77 millions de téléspectateurs pour un début à 22h seulement à cause d'un match de football sur TF1. Ça a été suivi de Cassandre avec 2,04 millions de téléspectateurs et d'un best-of de Quelle Époque suivi par moins d'un million de téléspectateurs, 756 000 téléspectateurs. Voilà, pas trop mal, hein, pour une deuxième partie de soirée. Deuxième partie de soirée assez tôt, hein, mais quand même deuxième partie de soirée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Eh ben rien, voilà, on a fait le tour des actus des médias, en tout cas pour l'instant, et on va repartir du côté des sorties ciné. Les sorties cinéma. Et miracle, le jingle s'est lancé directement dans au cinéma ce mercredi. Vous allez pouvoir également retrouver un film fantastique de Charlotte Colbert qui racontera l'histoire de Véronica qui part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière Daisy, et ce après avoir subi une double mastectomie. Mastectomie, oui bien sûr Enzo, une double mastectomie, c'est totalement différent quand même. Les deux femmes vont développer un lien particulier alors que des forces mystérieuses amènent Véronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et comment les venger. Ce film se nomme She Will et c'est à retrouver en salle dès ce mercredi. Il y a également un thriller nommé Violent Night réalisé par Tommy Virkola, direction l'ambiance de Noël, hein, déjà, puisque le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, eh bien ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas, le Père Noël, qui est dans la place et qui va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte, selon Allociné. Et on termine avec un dernier film qui va sortir ce mercredi, un thriller qui se nomme Le Torrent. Le Torrent, c'est quoi? Eh bien, c'est un film avec José Garcia, André Dussolier et Capucine Valmarie notamment. Un film de et par Anne Lely qui raconte l'histoire d'Alexandre qui découvre que sa jeune épouse Juliette le trompe. Une violente dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondation. Voilà pour ce film Le Torrent qui est en salle ce mercredi, et voilà pour ses sorties ciné. La tasse du week-end. J'ai de plus en plus du mal parce que j'ai mon rhume qui m'embête de plus en plus, voilà, en cette fin d'émission, donc j'ai du mal à faire des phrases complètes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui, sur Phil FM, était un petit peu dégradée en raison d'une qualité sonore énormément dégradée pour mon micro, et j'en suis désolé, le problème est maintenant réglé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.